di mo la kuse ma ji set a bibe o sona senpai ma ji set a bibe ke kodia sona senpai Ja ojode modu bibe fula na so fula ja ojode modu bibe fula na so fula ja ojode modu bibe fula na so fula ja ojode yo me kuse, yo ni mo la kuse. Magie c'est ta vie, son a se fa. Magie c'est ta vie, que kodia, son a se fa. Modou vive pour la danse, pour la ja aujourd'hui. Modou vive pour la danse, pour la ja aujourd'hui. Inaka set up, Bibi Kupa Lashlo, Chef Kupla, Wasashi, Inaka set up, Bibi Kupa Lashlo. Yodi Yome Kuse, Yodi Mola Kuse, Aji set up, Bibi, Sona Zempa, Aji set up, Bibi. Son a se fa. Yo di yo me kuse, yo di mo la kuse. Magi se ta vive, son a se fa. Magi se ta vive, son a se fa.